C'est l'histoire d'un grand homme. Cette histoire peut vous sembler étrange et atypique, mais c'est sans doute l'une des plus belles jamais racontées. Cet homme a une richesse incommensurable. Et je ne parle pas de son argent, ni de l'amour indéfectible de ses amis. Il s'agit d'un projet qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a été gardé secret. J'ai monté ce business-là, moi, brique par brique, milliard sur milliard. Et je vais pas te laisser pousser tout ce business-là, parce que j'aime pas la manière de parler d'un autre négro. Jamais de la vie, c'est clair? Mais vous savez, la richesse des uns attire la convoitise des autres. Toutes les informations collectées sur les réseaux nous ont conduit à de fausses pistes. Sans réseau! Heureusement pour lui, même si ça nous prend 5 ou 10 ans, la seule personne qui ne l'a pas trouvé, on recommence! C'est lui-même. Il est là! Fais comme un rat, Shogun. Rends-toi. Vous voulez savoir pourquoi le lieutenant veut absolument stopper l'épopée du Shogun? Parce que la fin de son règne marquera le début d'une nouvelle ère. Celle de... Dilemme!